Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, l'émission qui vous plonge dans les initiatives culturelles, sociales et festives de notre territoire. Aujourd'hui, on prend la direction du quartier des Fontaines à Tours pour parler d'un événement qui mêle numérique, gaming, musique et lien social, le Festi Games qui aura lieu le samedi 28 juin à la salle Jacques Villeray. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Léa Fromentin, conseillère numérique au sein du Centre social des Fontaines, la Maison pour tous, qui est membre, si j'ai bien compris, de la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire. Bonjour Léa. Bonjour. Et qui est accompagnée de Lauraline Catalo, qui est animatrice jeunesse. Bonjour Lauraline. Bonjour. Alors, on va tout savoir sur le tournoi interquartier de FIFA, les animations numériques et l'ambiance électrisante prévue jusqu'en soirée, avec du rétro gaming et un concert rock pas comme les autres. Alors, d'abord, on va commencer par essayer de comprendre ce que c'est que cet événement. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement, justement, dans ses grandes lignes et ce qui va le rendre unique ? Léa. Alors, donc, comme tu l'as dit, on commencera par un tournoi FIFA interquartier où il y a plusieurs associations qui vont s'affronter de 4 joueurs jeunes. Donc, c'est un tournoi FIFA donc sur le foot. Et autour de ce grand tournoi, il va y avoir plein de stands numériques, dont du rétro gaming. On a aussi des jeux vidéo actuels, on a des jeux de société, on a de l'imprimante 3D, on a de la robotique, on a un stand aussi d'initiation à la radio et on a surtout un stand sucré avec des barbes à papa, du pop-corn, des crêpes, des donuts. Ça donne envie aux gens généralement. Et oui. Et on finira par le concert de Retro Warrior Cult à 19h, mais en première partie de ce concert-là, on accueillera une dizaine de jeunes qui forment un groupe qui s'appelle les Brass Band, qui font du jazz. On peut dire ça. On peut dire ça. Et alors du coup, c'est quoi l'idéologie d'associer les habitants ? C'est de l'inclusion ? Qu'est-ce que vous cherchez derrière cet événement ? Je pense qu'on veut surtout qu'un maximum de monde puisse venir sur cet événement. Il est ouvert pour tout le monde, il est gratuit. Et n'importe quel âge, enfant, jeune, adolescent, adulte, personne plus âgée, vraiment tout le monde est invité à venir. Les habitants et les jeunes, ils sont inclus aussi dans le projet, par exemple les stands d'autofinancement. On en a un, comme a dit Léa, pour le sucré. Mm-hmm. C'est les habitants qui vont tenir le stand parce qu'ils ont un projet d'aller à Center Park tous ensemble. Donc l'argent qui est récolté va pour ce projet. On a un stand d'autofinancement boisson, où là c'est des jeunes qui vont le tenir. Et pareil, l'argent récolté va servir cet été pour partir en séjour. Le groupe, la première partie, où c'est uniquement des jeunes, c'est la première fois qu'ils vont se produire. Mmh. Donc du coup, voilà, ils se sont mis dans le projet parce qu'ils avaient envie de venir. Ou un autre jeune qui va venir et qui va aider une animatrice sur le stand robotique parce qu'il s'y connaît. Et donc du coup, il va animer avec notre collègue. Donc voilà, on a inclus les jeunes aussi. C'est eux, quand même, à la base du projet, qui voulaient faire un tournoi FIFA, de base, entre nous. Et après, on a décidé de l'ouvrir à plusieurs quartiers. Mais les habitants, les jeunes, sont vraiment dans le projet, que ce soit pour le créer ou le jour J. Ils vont nous aider toute la journée. Ouais, c'est un projet du coup qui a émané des jeunes, mais qui a fédéré l'entourage, finalement. C'est ça. Pratiquement tout le quartier, en fait. C'est génial. Et alors, il y a aussi une tombola, là encore. L'argent qui va être récolté pour la tombola va servir aussi au projet ? Dans tous les cas, oui, il est récolté, mais il est récolté pour le centre social en lui-même. Après, est-ce qu'il va aller sur tel ou tel projet ? On n'y a pas réfléchi encore. Et alors, c'est quoi les lots qui pourront être remportés au moment de la tombola ? On a un gros partenaire quand même qui nous a beaucoup aidé pour la tombola, c'est Culture du Cœur. Ah oui ? Qui nous offre pas mal de places, que ce soit pour Family Park, divers châteaux, de l'escalade, Lulu Park, on a beaucoup de places à offrir. On a des livres qui nous ont été offerts aussi par la quinzaine du livre jeunesse qui est avec la Ligue de l'enseignement. Bah oui. Mm-hmm. Et on peut dire que le gros lot, c'est un ordinateur Mac. Waouh, ça reste en lien avec le gaming du coup. Toujours. Toujours. Mais c'est bien parce qu'on entend parler de rétro gaming et je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup, enfin qui revient. Pour le coup, le rétro gaming, c'est une possibilité aussi pour que les plus anciens fassent découvrir les anciens jeux vidéo aux plus jeunes. Et en fait, inversement, parce qu'on se rend compte que les jeunes sont plutôt beaucoup attirés par le rétro gaming plutôt que par les jeux actuels. Ils y jouent beaucoup, ils connaissent beaucoup, même les anciennes consoles. Parfois, nous-mêmes, quand on est avec des jeunes, ils nous en parlent et on ne connaît pas. Donc c'est là aussi où ça va être intéressant de voir l'échange un peu intergénérationnel qu'il peut y avoir sur le rétro gaming. C'est peut-être plus simple à appréhender aussi, à apprivoiser ces consoles-là. Les jeux sont plus simples dans le fonctionnement. Ça reste des touches en fait plutôt basiques, alors que les jeux actuels, il y a plutôt de la stratégie, il y a différentes manipulations à avoir avec la manette aussi. Alors que ouais, le rétro gaming, c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est accessible en fait à tous les âges. Mmh. Alors justement, quand il va y avoir le tournoi, alors là on revient sur le tournoi interquartier de FIFA 2025, les scores vont être affichés sur écran, c'est ça ? Vous avez voulu quelque chose qui soit vraiment grandiose quelque part ? Bah en fait, on est directement dans l'espace Jacques Villeray, c'est la mairie de quartier des Fontaines, et il y a une salle de spectacle, on peut dire. Et en fait, on a voulu faire un peu les choses en grand, comme les tournois e-sport, où il y a des gradins, il y a l'écran qui est affiché, un grand écran dans la salle, il y a différents postes, on voit les joueurs jouer en direct. Donc on va pouvoir diffuser certains matchs aussi en direct. On a voulu faire comme les vrais tournois e-sport, mais à notre échelle. Et on a un super partenaire qui s'appelle Ultimate League, qui est l'organisateur du tournoi en lui-même, avec nos collègues Corentin et Nicolas. Mais lui, par exemple, a participé à de nombreux tournois FIFA, notamment là dernièrement au Parc des Princes, où il a carrément fait un stand avec la possibilité de jouer à FIFA 2025. Donc on est plutôt ravis d'avoir ce partenaire-là avec nous. Et il va pouvoir faire les choses en grand lui-même. Il va arriver d'une certaine manière, il va y avoir une playlist particulière. Ça va vraiment être une ambiance comme dans le vrai e-sport qu'on connaît. De vraies conditions. Ben justement, puisqu'on parle de playlist, hein, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un morceau de Retro Warrior Cult. C'est ça. Je ne me suis pas trompée, hein, c'est comme ça. Donc, le concept de ce groupe, c'est des reprises de musique de jeux vidéo version rock. C'est ça. C'est un groupe local ? C'est un groupe local, oui. Mmh, très bien. Eh ben, on écoute et on se retrouve tout de suite après. Warrior Cult, un groupe que vous pourrez retrouver le samedi 28 juin à la salle Jacques Villeray dans le cadre du Festi Games organisé par la Maison pour tous. Ce sera donc au quartier des Fontaines à Tours. Et aujourd'hui, c'est Léa Fromentin et Lauraline Catalo qui viennent nous en parler. Alors, on va revenir un petit peu sur justement ce tournoi interquartier sur FIFA 2025. Est-ce qu'on est dans quelque chose de très compétitif là ou est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt être bon enfant ? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Après, on amène la compétition, mais on amène aussi les joueurs à être fair play entre eux. On veut quelque chose où il y a une bonne ambiance. Et si on amène trop la compétition, on sait que les jeunes peuvent vite s'envoler un peu dans, dans les tours. Donc on va ramener les choses assez simplement, mais ça reste quelque chose de plutôt officiel quand même. L'ambiance en tout cas va être officielle, notamment avec le partenaire Ultimate League avec qui on travaille. Il fait en sorte d'amener la compétition, mais d'une manière plutôt axée sur la jeunesse, fun. Et là, les auditeurs qui nous entendraient pourraient venir participer ou bien ça y est, c'est clôturé, les inscriptions ? Alors, les inscriptions sont presque clôturées, mais c'est surtout qu'il faut avoir entre 11 et 14 ans et dans un idéal, être accompagné d'un adulte référent. Donc d'accord. Là, pour l'instant, nos équipes sont en lien avec... Enfin, on est avec que des centres sociaux qui se sont inscrits. Donc, c'est surtout avec une structure jeunesse qui accompagne les jeunes sur la journée. Et puis justement, pour les parents qui accompagneraient leur enfant, autour de ce tournoi, il y a tout le village numérique. Donc en fait, il y a la possibilité de découvrir tout plein d'outils, de s'occuper pendant que les jeunes jouent. Qu'est-ce qui sera présent au niveau des stands ? Qu'est-ce qu'on pourra découvrir ? Alors, au niveau des stands, donc, on a de l'impression 3D. Donc on pourra découvrir la modélisation et l'impression en elle-même. On a aussi ce qu'on va appeler la bande dessinée pour les nuls. On a... un étudiant en audiovisuel, cinéma, qui vous aidera à faire vivre un personnage en 3D. On a aussi donc, du rétro gaming, comme on l'a dit, des espaces de jeux vidéo actuels. On a de la réalité virtuelle aussi. Il faut que tu m'aides, Laureline, parce que là, je sèche. Et tout ça, c'est des équipements qui sont à vous ? Pas tout. À la maison pour tous ? Pas tout, mais certains équipements sont à nous. Sinon, c'est du prêt. On a aussi la médiathèque des Fontaines qui sera avec nous. Mmh. Voilà. Donc en fait, à l'année, le public des Fontaines peut venir à la Maison pour tous pour découvrir aussi tous ces outils-là. C'est possible, d'accord. Tout à fait. Bah, notamment les imprimantes 3D qu'on a chez nous, par exemple. C'est totalement possible de venir et de participer à des ateliers qui sont créés pour justement découvrir ce genre de matériel-là. Voilà. Pareil pour les robots, nous on a 8 robots. Non, plus même, maintenant. Maintenant, on en a plus que ça. On a 8 robots M-Bot et 6 robots McQueen. Alors là, vous parlez en chinois pour moi. C'est quoi tout ça, ces robots ? C'était un peu compliqué aussi pour nous au départ, mais maintenant, ça y est, on commence un peu à apprivoiser le matériel. On a donc 8 robots M-Bots. Donc les M-Bots, c'est des robots qui sont un petit peu stylisés comme des voitures, un peu comme les McQueen au final. Donc ça a des roues, ça a des capteurs, et on peut tout simplement les programmer pour, par exemple, aller en avant, aller en arrière, aller sur la gauche, aller sur la droite. Et on a des circuits où les gens sont invités à programmer le robot pour qu'il suive le circuit tout seul. Ok. C'est comme les voitures télécommandées, mais version programmable. D'accord. Ouais, ça doit plaire. Ça plaît beaucoup aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Parce que c'est de la découverte. La robotique, ça commence un petit peu à être un sujet intéressant, ou du moins... qui se partagent beaucoup, notamment avec l'intelligence artificielle, avec les robots qu'on voit à la télé, etc. Là, on n'est pas sur ce même niveau-là, mais on commence à appréhender tout ce qui est programmation et ouais, intelligence artificielle. Mmh. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous allez valoriser les pratiques numériques et puis que d'un autre côté, on se dit que les jeunes sont trop devant les écrans. Alors, est-ce que vous avez quand même ce discours-là, à un moment donné, de dire que voilà, c'est un loisir ? Mais qu'à côté de ça, il ne faut pas en abuser. Est-ce que vous avez affaire à ça, vous ? Moi, dans le quotidien, je vois les jeunes plusieurs fois par semaine. On y fait face, mais pas tant. Mm-hmm. Parce qu'en fait, quand les jeunes viennent nous voir au local jeune, ils viennent dans un but de se divertir et de profiter de voir leurs copains, de profiter des activités qu'on propose. Et c'est vrai que naturellement, ils sont moins sur leur téléphone. Ils sont plus là pour profiter de l'instant présent au local. Mais ça ne nous empêche pas de remettre les bases quand même régulièrement en rappelant que quand on vient au local, ce n'est pas forcément pour être sur son téléphone et qu'on pourra en profiter plus tard. Là, on profite tous ensemble et les écrans, c'est pour plus tard. Vous êtes complètement dans votre mission en faisant ça en plus. Oui, totalement. On n'a peut-être pas redit les horaires. À quel moment on peut venir ? Alors, l'événement lui-même commencera à 13h. En tout cas, l'ouverture des portes de l'événement sera à 13h. Pour une clôture de l'événement à 20h. Et si des personnes sont juste intéressées par la musique, il faut venir vers 18h30, même un peu avant, pour la première partie, et après pour le concert à 19h. Parfait. Et il y aura toujours de quoi grignoter à 19h ? Toujours. Parfait. C'est le plus important. En effet. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Léa, merci Lauraline pour cette présentation du FestiGames, donc le 28 juin à la salle Jacques Villeray. Une journée pour jouer, découvrir, échanger, dans une ambiance qu'on imagine tout de suite très sympa, et puis tourner vers l'avenir, hein, évidemment. Tout le monde peut venir, passionné de gaming ou simplement les curieux des nouvelles technologies qui voudraient être dans un bon moment d'échange et de partage collectif. Ce sera donc à partir de 13h aux Fontaines. Et puis si vous restez jusqu'au bout, il y aura le concert final qui promet d'envoyer du pixel. Vous avez pas mal. Un petit peu le... C'est pas de moi, je l'avoue. Donc et bah, les filles, bon courage pour cette manifestation et merci d'être venues sur Radioactive pour nous la présenter. Merci pour l'invitation. Merci à toi.